بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثرهم تفهم بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هذه هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأنا بخير بقمي حديث de ce kitab de cet énorme kitab الأدب المفرد qui était relatif à la bienfaisance envers les parents. Il avait évoqué le hadith de Abdullah ibn Mas'ud dans lequel il a questionné le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam sur les meilleures des œuvres. Et parmi celles-là, le Nabi sallam a évoqué birr al-walidayn. Ce hadith-là, l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, il a évoqué comme tafsir de la ayah, wa wassayna al-insan bi walidayhi husna. Pourquoi Allah azza wa jalla, c'est comme s'il disait pourquoi Allah azza wa jalla il a enjoint l'humanité de la bienveillance envers les parents, car cela fait partie des meilleures œuvres auprès d'Allah et Azza wa Jal. Tam. Qala rahimahullah ta'ala, qala wa an Abdillah ibn Amr. Dans certaines des éditions, comme la mienne, c'est écrit an Abdillah ibn Umar. Tam. Mais c'est faux, c'est pas Abdillah ibn Umar, lakin c'est Abdillah ibn Amr. Qala an Abdillah ibn Amr, radiyallahu anhuma, qala رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد نعم هذا الاثر تمام il n'est pas authentique car dans la chaîne de transmission il y a عطاء الثقفي et qui est majhoul celui qui a rapporté le hadith de Abdullah ibn Amr c'est quelqu'un qui est majhoul qui n'est pas identifié majhoul c'est-à-dire qu'on ne connaît pas cette personne-là on ne connaît pas on ne sait pas si cette personne-là a mémorisé et ça fait partie des conditions pour juger d'un hadith qui est authentique de savoir est-ce que cette personne-là avait une bonne mémorisation. Enfin, cette personne-là, elle est majhoul. On ne dit pas qu'elle est da'if, laquelle on n'a pas d'éléments qui nous permettent de juger est-ce que cette personne-là faisait partie des nombres de ceux qui mémorisaient ou pas. Et kadhalika, min janib al-adala. On ne sait pas si cette personne-là était sur l'istiqam. On n'a rien, on n'a pas de renseignements sur cette personne-là. C'est ça qu'on appelle un majhoul. Ça, on appelle majhoul ayn. Celui dont on n'a aucune information, ni sur le point religieux, et ni sur le point de la mémorisation. Al-afar il est da'if, lakin le sens il est wadih. Ce sens-là il est wadih. Et il rejoint le hadith al-sahih, la ta'at al-makhluq fi ma'siyati khaliq. Donc c'est clair que celui qui va tout faire pour qu'il soit agréé auprès de ses parents, c'est-à-dire avec bil ma'ruf, ben Allah Azza wa Jalla va l'agréer, parce qu'il agrée que tu sois bon envers tes parents. Ce afar-là, fil haqiqa, même si jamais il n'est pas authentique, enfin, il y a des usul, il y a des fondements qui nous prouvent l'authenticité du sens. Et c'est pour ça que l'imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, il s'amuse à dire des fois, dans ce genre de situation-là, il dit « da'if al-mabna sahih al-mahna ». Da'if al-mabna, c'est-à-dire que la chaîne de transmission est faible, wa sahih al-mahna, le sens du hadith ou bien du athar, il est authentique. Tu le vois, il le répète souvent cette phrase-là. « Da'if al-mabna sahih al-mahna ». Fahahona qala « rida al-rab fi rida al-wadid ». L'agrément d'Allah Azza wa Jal passe par l'agrément du père, de tes parents. Al-Walid Ahana, ça entre aussi la mère, Ma'ruf. Lakin, ça c'est Bartlofikan ibn Ma'ruf, comme on a pu voir. La ta'at les makhlouq fait ma'siyati al-khalik. Parce qu'il y a des choses dont certains parents qui ne sont pas guidés, qui sont un peu dans l'égarement, si jamais tu fais, ils vont agréer, ils vont aimer. Ils vont t'agréer. Comme ce le père, mathalan, qui fume et qui te demande d'aller acheter un paquet de cigarettes. Si jamais tu le ramènes, c'est clair qu'il va t'aimer, il va t'agréer. Ou celui qui boit de l'alcool et qui te demande d'aller acheter une bouteille d'alcool. Si jamais tu le ramènes, il va aimer cela, il va t'agréer, il va t'aimer. Enfin, al-ma'ruf hahona, c'est quoi? C'est dans les choses dont Allah Azza wa Jal a légiféré. Yani, aqal shay fil mubah. Il faut que cette chose-là fasse partie des mubah, des choses qui sont légiférées, qui sont autorisées. Amma c'est celle wajibat, ma yani ça. Ça va augmenter l'agrément d'Allah et Azza wa Jal. Ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu 'alayhi. Comme les choses qui sont les plus agréées et les plus aimées auprès d'Allah Azza wa Jal, ce sont les obligations. Meilleures œuvres, n'am. Fa rida ar-rab fi rida al-walid, ça c'est restreint dans les choses qui sont autorisées, qui sont mustahab et qui sont bartlofik, yani wajib. أما في الحرام فلا يجوز هذا من التعاون على الإثم والعدوان قال سبحانه وتعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان et ne vous entrez pas dans la désobéissance et la transgression قال وسخط الرب في سخط الوالد كذلك يعني الوالد il peut pas venir dire tu n'auras pas la bénédiction d'Allah et Azzawajal parce que tu m'as pas obéi il faut voir le degré d'obéissance qu'est-ce que c'est si jamais c'est pour l'acheter un paquet de cigarettes ben non Allah Azza wa Jal, au contraire, va malgré. Comme il dit subhanahu wa ta'ala, « وَإِنْ جَهَدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْ فَلَا تُطِعْهُمَا » Si jamais il te pousse à m'associer, n'oublie pas à tes parents. « فَلَا تُطِعْهُمَا » Et ça, كَذَلِكَ, le hadith, comme on a pu voir, c'est aussi dans les autres ma'asi. كَذَلِكَ, si jamais nous ordonne la désobéissance, on ne doit pas les obéir. « Abadan » Tu dois patienter. نعم. فهذا هو المراد بالأثار. رضا الرب في رضا الوالد. Et lorsque c'est des choses qui sont autorisées. وسخط الرب في سخط الوالد. كذلك. Et بالمعروف. Il lui demande une chose qui est mubah. Sa mère lui demande d'aller acheter, mais je ne sais pas, de la laitue. Et il ne va pas l'acheter. بهذا يدخل في سخط الرب. Il va rentrer dans سخط الرب. Dans la colère d'Allah عز وجل. Parce que là, il doit obéir à sa mère. Je te demande d'aller l'acheter, tu veux, il va l'acheter directement. Enfin, ça fait partie de uquq al-walidain. Uquq al-walidain, c'est le fait d'avoir un mauvais comportement, c'est le fait de ne pas les obéir dans le ma'ruf. C'est al-isa'a, c'est la mauvaise conduite. Abdullah ibn Amr, ma'ruf, un sahab jalil, c'est celui qui a regroupé le nombre, le plus de hadith. C'est-à-dire au niveau de l'écriture. Il a recueilli le plus de hadith. Amma Abu Hurayra, c'est celui qui a le plus mémorisé. Fakan Abdullah ibn Amr, radiallahu anhu, yaktub. Hatta certains avaient Ankara Ali. Ils lui ont reproché le fait qu'il écrivait la hadith. Il dit, tu écris la hadith alors que le prophète, c'est un homme comme un autre. Des fois, il dit des choses sous l'effet de la colère. Donc il se peut que tu te trompes, yani, d'écrire cela. Yani, ils ont voulu dire ça par là. Et il est revenu Abdullah ibn Amr à un ami, fastafta, il lui a demandé. Et il lui a dit, walladhi iktub, il lui a dit, écris. Walladhi nafsi biyadi la yakhruj min huna, et il a pointé sur sa bouche, illa al-haq. Il ne sort de ma bouche que la vérité. Fa kana yaktub. Il a regroupé le plus de hadith, parce qu'il écrivait. Donc ça nous montre qu'il y a que le fait d'écrire, ça fait partie du hibb. Le fait d'écrire, ça fait partie du hibb. Et même Allah Azza wa Jal a préservé sa religion par ce biais-là, par le biais de la mémorisation, et kadhalika par le biais des kutub. Et même le patrimoine de l'islam, c'est par les kutub. C'est par les kutub qu'on a stafed, yani aksar. Et Allah Azza wa Jal a préservé son dîn par ce biais-là qui est l'écriture. Donc ça nous montre que c'est important. L'insan, des fois, il dit, bon, c'est bon, je vais mémoriser, tu sais pas. Tu vas avoir peut-être une maladie. Peut-être le péché, c'est des asbab qui te font oublier. Parce que comme l'a dit Shafi'i, le ilm c'est une lumière qu'Allah Azza wa Jal donne aux obéissants et qui ne donne pas aux désobéissants. C'est-à-dire que si tu l'as, elle va s'éteindre sur toi. Enfin, Al-Kitaba c'est muhim. Al-Kitaba c'est muhim jiddan. Qala rahimahullah ta'ala, qala babu birr al-um. Fa'al-an, après qu'il a évoqué le premier chapitre, ووصينا الإنسان بوالده حسنا. هنا il passe au droit de chacun des parents. Il a commencé par la mère. Pourquoi il a commencé par la mère? Parce que le hadith évoque que la mère a un haq qui est beaucoup plus grand que celui du père. فذلك بدأ بها. قال رحمه الله عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من أبر قال أمك قلت من أبر قال أمك قلت من أبر قال أمك قلت من أبر قال أباك ثم الأقرب فالأقرب وهذا الحديث لحسن أبقتي بارتير ميذي أوتر حسن بس كيو بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده دونك بهز ابن حكيم عن حكيم ابن معاوية عن معاوية ابن حيدة سنسيس لكم يجيز العلماء حسنة بس كيو بهز ابن حكيم Et son père, les deux sont qualifiés comme Hassan al-Hadith. Fahahona, Kazalik. Ils ont demandé au prophète, alayhi sallam, فكانوا يستفيدون من النبي صلى الله عليه وسلم, ils profitaient du prophète عليه الصلاة والسلام en posant des questions ou bien en écoutant le prophète صلوات الله وسلامه عليه, ou bien en regardant les œuvres que faisait le prophète عليه الصلاة والسلام. فترك العلم ثلاثة, soit tu demandes كما قال سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون, ou soit tu écoutes, tu t'assois comme c'est le cas de طلب العلم, ou soit tu regardes. خذوا عني مناسككم صلوا كما رأيتموني أصلي. Ça fait partie de طرق العلم. قال قلت يا رسول الله من أبر. Comme on a pu voir, il pose des questions, c'est pas par curiosité. Comme il sait que il faut donner le droit à toute personne, وأعطي كل الذي حق حقه, il donne le droit à ceux qui ont droit. Donc il veut savoir qui sont les personnes dont je dois être le plus veillant envers eux, afin que je lui donne son droit et que je sache que son droit va précéder le droit des autres. قال أمك, ta mère, من أبار, avec qui je suis plus à même d'être bon. قال أمك, وهنا مكتوب أمك يعني بالمنصوب et بمعنى بر أمك, sois bon vers ta mère. قلت من أبار, il lui a répété. قال أمك, il a répété encore une deuxième fois. قال من أبار, troisième fois. قال أمك, il a répété parce qu'il se dit peut-être qu'il y en a, c'est que la mère. قال من أبر, قال أباك, ثم الأقرف الأقرب. Donc là Allah Azza wa Jalla il a évoqué, ou plutôt le Nabi Sassam il a évoqué le droit de la mère trois fois. أمك أمك أمك, ensuite il a évoqué celui du père. Les ulama ils ont creusé sur cette mas'ala là, pourquoi la mère est évoquée trois fois. قال العلماء, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a spécifié de trois choses. أولا الحمل, deuxièmement الوضع, l'accouchement, troisièmement الرضاع, l'allaitement. Quand tu regardes le père et la mère, chacun des deux aime le fils, mahabba, ils ont tous deux yani mahabba. La mère kadhalika peut dépenser pour son fils, et généralement c'est le rôle du père, mais la mère peut aussi dépenser pour son fils. La douceur, ils vont veiller sur eux, la shafaqa, la pitié qu'ils auront vers cet enfant-là. Il y a c'est des choses dans lesquelles ils sont associés. Laquelle la mère se départage du père par trois choses. La grossesse, l'accouchement et l'allaitement. Ils ont dit c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla lui a multiplié son droit. Comme l'a évoqué Ibn Battal, fi maskur, yani ceux qui ont évoqué le sharh de l'imam al-Bukhari, al-Muhim, ça a été relayé par l'imam al-Hafid ibn Hajar, rahimahullah. Et d'ailleurs, il a dit, ummak, ثم أمك ثم أمك, قال سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين, وكذلك في الآية حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. ثم الله عز وجل لا يبكي la bienveillance envers les parents, ensuite il évoquait la mère. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه, ensuite il évoquait la mère. Ils ont dit c'est pour ça que Allah Azza wa Jal, plutôt que le prophète alayhi salatu wasalam, il a évoqué son droit trois fois, parce qu'il y a ce départage du père par trois choses. Ça c'est un istinbat qui est qawi jiddan. Allah il lui a donné, c'est moufid yani jiddan, ça montre subhanallah ils avaient une connaissance du din subhanallah qui était super profonde. Ajib, le jour où je suis tombé sur cette explication-là, je suis resté bouche bée. Pareil, franchement, trop fort. Respect, bas, yani. C'est Allah qui donne le tawfiq. Il donne la sagesse à qui veut. Enfin, subhanallah. Tawfiq shadid. Il a eu un sadat shadid. Fahana, il a évoqué son droit trois fois. Pourquoi? Parce qu'elle s'est départagée de trois choses. Qala thumma abak. Et ensuite ton père. Parce que le père kadhalika ana haq azim sur le walad. Donc c'est lui, yani, généralement c'est lui qui dépense, comme c'est lui qui sue pour son enfant, c'est lui qui va défendre son enfant. Donc il a un haq kadhalika ka azim jiddan, son père. Lakin, par rapport à sa mère, la grossesse, et qui te dira qu'est-ce que la grossesse? Qala thumma al-aqrab al-aqrab. Il y a des gens kadhalika après la mère et le père qui ont des droits. Faqala thumma al-aqrab al-aqrab, et les personnes qui te sont les plus proches au niveau familier. Au niveau du nasab. Ils ont dit les ulama, les plus proches, il y en a comme c'est dans le cas dans l'héritage. Dans l'héritage, ils disent il y a l'usul, il y a le furu', il y a le hawashi. Al-usul, c'est-à-dire les fondements, ceux qui sont la cause de ton existence. Donc c'est le père, la mère, le grand-père et la grand-mère. Le grand-père et la grand-mère, la grand-mère c'est comme la mère. Et le grand-père c'est comme le père. Dans le hadith, Allah Azzawajal m'a donné naissance d'un fils, d'un enfant, et je l'ai nommé par le nom de mon père. En parlant d'Ibrahim. Et les ulama ont dit ça, c'est un dalil qui montre que le grand-père c'est un père. Donc il y a les usul, ensuite il y a les furu', c'est-à-dire les enfants et les petits-enfants, kadhalika. Lamma qala summa al-aqrab, et ba'da zalika, c'est la personne, elle a des enfants. Les enfants, ils sont ahaq bil birr. Ils sont plus à même à ce que tu sois bon envers eux. Tu dois les qaddam ala ghayrihim. Qala wal summa diz li ulama al-hawashi. Wal hawashi al-akhawat wal ikhwa, yani ceux qui sont autour de toi. Les frères, les sœurs, les tantes et les oncles. Haoula c'est les hawashi, et kadalika les enfants, les cousins comme on dit naam. Haoula ils ont un droit après. Les parents, les géniteurs, ensuite les enfants, les frères, les sœurs, les oncles et tout ça. Et l'akhir. Yani, bittakdim. Bittakdim. Si jamais tu es confronté à devoir faire un ihsan entre deux personnes, la kin, t'as pas le choix, c'est soit lui ou soit l'autre. Pharaonin, tu regardes celui qui a le droit, qui est le plus haut dans l'islam. Fatuqaddimu, na'am. On va prendre Inch'Allah la suite après, Inch'Allah. Jazakallah khair, Inch'Allah Azzawajal. Yanfa'ana wa yak bima sami'ana. Ayyak. Merci. Merci, Kabarakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa yak. Assalamu alaikum.